te on jou san mwen. Le mwen ka pati pou se l'amour. Bonne kou le chaye l'amour. Soleil pou neye an glou. Le mwen la. Ah!